إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رسول صلى الله عليه وسلم بجيش فرساء الدال على الخير كفاعله الدال دال دال الإسلام Un dalil veut dire un guide. Ralal khayr, l'oban le bien, kafarili. Comment dire un celui qui fait lui. Ou dans l'autre hadith, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a assis avec son compagnon, un moment quotidien cas, Jabir radiallahu anhu vini. Il donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam un portugais sur quatre. Il dit, « Ya Rasulallah, mais prends ça à l'os. » Quand les autres sahabins trouvent ça, un deuxième vient dire, « Ya Rasulallah, prends ça à l'os. » Un troisième vient dire, « Ya Rasulallah, prends ça à l'os. » Il continue même comme ça. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man sanna sunnatan hasanatan. » C'est lui qui fait une bonne pratique, une bonne sunna. Il fait lui revivre, celui qui fait cette action-là, il gagne récompense tout le monde qui vient après lui. Il gagne récompense tout le monde qui vient après lui. Chers frères et sœurs, nous prenons lui comme suite. Nous avons ce tableau là-bas là. C'est un tableau. Mais seulement d'ordine ni comme suite, ça dit mon qui n'a rendu ce tableau là pour mettre là. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le lit comme ça, il fait la connaissance. Sa quantité là. Ils connaissent le principe de dîme. Mais seulement ils mettent ce tableau-là, ils n'allaient, capable de gagner 10 ans, 20 ans, ils finissent qu'ils deviennent. Tout ça, hadith qui écrit là, il y a l'oxygène sur compte. Il y a l'oxygène sur compte. Il y a l'oxygène sur compte. Tout ça, hadith-là, on va dire, les libéraux font ça, là. Ça, c'est vous qui mettez ce tableau-là. Essayez de comprendre assez de nous dire ce qui a fait faire bonne action, comment leader faut tout du monde. Comment est-ce que c'est une petite chose qu'on va nous dire, il doit nous porter pour faire ça. Qui fait nous mettre ça, chers frères et sœurs, comme introduction pour Azouti, c'est juste l'autre, ça n'a pas fait qu'il y a un autre là maintenant. Comment nous dire, semaine passée, qu'Inch'Allah, cette semaine-là, nous pouvons faire ça, sans qu'il attende, Azouti gagne un message, un frère, il finit de faire lui, veut dire pour porter Azouti. Donc, si nous prenons lui comme ça, une compétition entre nous. Le semaine, nous vraiment connaît qui dehors vous faire, moi vous faire photocopier. Imaginez-nous, nous commençons à développer ça. Nous commençons à développer ça. Donc, environ comme il était, combien du monde était, qui dehors vous faire l'autre semaine, n'était écrit à lui, écrit sur traduction, donnez-moi pour faire écrit à lui, pour faire print lui, l'autre semaine, vous finissez par partager avant le son. Nous avons réservé le tableau, pour savoir qui donne ce tableau là, c'est moi. Ça me va qui donne ce tableau là, il y a ce qu'il y a lui, parce que ce tableau n'a réservé. Non, il continue à gagner, Inch'Allah. Mais seulement ça qui est avec nous, c'est quoi? Get de nous dire, chers frères et sœurs, comment bonne action divine de potiner foot qui s'en a. Faudrait pas nous penser qu'il mobilise juste un micro dans un masjid, pour gagner l'assistance, là, Allah va accepter mon bonne action. Jamais. Pas nécessaire, comme ça. Ça dit, mon qui nous vini, bonnet, il nous vient masjid, et qu'il vient aller. Chers frères et sœurs, il veut gagner pareil, oui, non? Il veut gagner pareil. Parce que lui-même qui amène le début, oui non. Lui-même qui amène le début. Et comme ça même, le tout ban bonne action qu'on prend, chers frères et sœurs, tout ban qui ne participe là-dedans, je devine là-dedans. Les contraires, c'est vrai seulement. Péché là aussi pareil. Péché là aussi pareil. Il ne faut pas nous prendre ça un côté à faire. Dans l'autre côté là, quand nous guettons hadith, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit à nous, pas si ça du monde qui peut baloter, peut venir là. Vous voyez, il fait téléguider là. Il boit. Hazreti Tüsel qui vient pêcher là? Pas Hazreti Tüsel qui vient pêcher. Nous disons qu'il enseigne nous. C'est lui qui ne servit de la Ligue à pêcher, oui non. C'est lui qui ne vendait la Ligue à pêcher, oui non. C'est lui qui ne presse réserve pour faire ça la Ligue à pêcher là, oui non. Même pêcher le. Même pêcher le. De tout, sans pour diminuer de personne. Pas pour diminuer de personne. Il ne faut pas me penser, ben moi, on connaît mon parti, mais moi. Ben moi, on connaît sa péché là, mon parti, moi. Ça, on va faire ça. Mais seulement, quand vous guettez, vous avez un débat de moyens pour être sa frère là, pour faire ses actions. Là, vous êtes coupable. Malgré moi, je ne vais pas faire l'action. Je vais être sa frère là pour faire lui ou non. Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, quand nous guettez une bonne action, un petit aide me donner là-dedans. Je tout gagne pareil comme ça même pour bande désobéissance, un petit aide-moi le donner là-dedans, excepté mon gain complet de sa désobéissance là, quand il finit prend place. Si nous guettons nos papiers, sans aucun doute, alhamdoulilah, il y a assez clair l'eau là, même sur l'autre traduction, juste Banfouin a fait ressortir parce qu'à la fin des semaines passées, Banfouin a fait rappellement qu'il nous finit prend ça quand nous dit faire, ban la loi concernant Namazanaza. Ben point à faire ressortir le sable de Rala, de page 1, c'est quoi? C'est qu'il ne vous trouve qui livine au pluriel. Livine au pluriel. En d'autres mots, pareil comme Inada, surat al-Fatiha, nous dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance pour nous. Et pourtant, les hommes mauvais faire sunnat comme les hommes mauvais faire sunnat. Moi tout seul. Les hommes vont faire un affil comme ils disent, vous faire ça, moi tout seul. Mais moi tout seul, moi dis à nous, qui fait, parce que c'est un des bons moyens qui nous dit, enseigne-nous, quand nous rôdons une petite chose, nous va redire pour nous. Oui, chers frères. Demain, pareil, comment je suis content pour gagner pardon à Allah, pareil, comme ça, je suis content qu'Allah pardonne mon frère, mon cher. Pareil. On trouve ça drôle. Oui. C'est un des bonnes qualités qui est un croyant bizarre, une ancré dans lui. Pareil, comment mon content, Allah pardonne-moi tous mes péchés, faudrait que mon péché ça dit mon là, sa qualité là dans moi. Ça, Inch'Allah, Allah vous pardonne ça. Dites-moi les guides, moi, vine vous envers lui là. Mettez-le avec une certitude. Ça, Allah vous pardonne. Parce que je me connais, il fait gagne, il fait ha, mais seulement, il fait encore bonne action. Dites-moi les guides, comment vous venez. Nous vous trouvons dans sa de Allah, les commentaires, Allahumma fir les hayyina wa mayyitina. Oh Allah, pardonne. Nous bannons vivants et que nous bannons morts. Chers frères et sœurs, de qui croyons vous restez là? Bannons vivants. L'impossible est un djimoun de la fine, un musulman. Moi, vous avez besoin de nous, pas si vous avez besoin de nous ici encore. Mais seulement, quelle distance qui était à moi, vous pouvez dire maintenant Allah, pardonne pour lui ou non. Parce que moi, c'est. Lui, quand il y a un djimoun, il meurt côté. Quand il peut faire ça de voilà, il veut dire maintenant Allah, pardonne pour moi ou non. Qu'est-ce que c'est digne ça? Quand vous avez sa distance là, Allah peut en montrer nous. Dans la vie pratique, vous avez un djimoun, comment peut demander à Allah pardon pour moi? Mais sa frère qui fait namaz ensemble avec moi dans le même masjid là. Sa sœur qui est ensemble avec moi dans le même masjid nous joignent tous les jours là. Et mon coup, il a rancune pour lui. Qu'est-ce que malade, mon malade à l'os? Comment mon coup peut sentir mon équerre gros envers lui? Qui sa distance là, il y a un djimoun, il y a un frère qui fait demander à Allah doit pour mon gars pardon à Allah. Mais ben qui proche en moi, mon bon comparé pour voir d'un jeu, mais qui les soit libéré de moi, ça qui est loin là, l'os. Ça qui est loin là, qui les soit libéré parce que moi, avec un rapport d'une man qui prie avec moi. Quand nous guettons de Allah, chers frères et sœurs, nous vous trouvons qu'il s'éteint de ban rare. Doa qui explicite. Qui ne veut dire pas explicite? Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans ma ville, il trouve un parmi ses ban compagnons, peut dire, oh Allah, donne-moi un lacage blanc de Djanna qui est rentré à droite. Qui dit faire là? L'in préciser. Rasul sallallahu alayhi wa sallam arrête lui. Je ne dis pas préciser quand tu demandes Allah. Ne te demande Allah toi. Ne te demande Allah. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous. Was'alullah min fadli. Oh Allah, demande-toi faveur. C'est tout. Chers frères et sœurs, prends-le bien. Demain, faveur Allah, il est possible de faire moi ton malade. Faveur Allah. Moi, je consiste la santé. Moi, bien, mon refaire, pas nécessaire. Favier Allah, li possible demain dans mon gain une maladie jusqu'à mon mot avec lui. C'est une faveur pour Allah ça. Favier Allah, c'est qu'il ne peut pas faire une récit gain sa fausse qui m'a tué rodé là. Mon récit en bas même. Favier Allah. Et non pas qu'on nous demandait comment ça sahaba l'en fait pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il arrête lui de suite pour certaines actions qui pas recommandées. Préciser qu'on demandait. Non. Quand nous demandait, oh Allah, donne-moi tout du bien qui est là, qui vous bénéficiez moi de dunya d'akhirat. Donc c'est tout. C'est pour ça une des grandes doua qui est là dans le Coran, c'est quoi? Rabbana atina, c'est dunya hasana. Est-ce que vous comprenez ce qu'il me dit là? Oh nous, Rabb, donne-moi dans sa dunya là hasana. Libena aliflam. Veut dire il n'est pas défini, il est indéfini. Veut dire tout ça qui a fait le bon, qu'il y soit dans manger, dans la santé, dans le travail, dans les enfants, dans tout ça qui m'a pensé, quand il vient vers moi, qu'il y peut être. Il faut qu'il y ait Hassana. Ou appelle Akhirat qui Hassana. Et dans Akhirat, donne-moi ça qui, tout ça qui est bon. Et dans Jannah, mais une fois qu'il y a Jannah. Et dans la satisfaction Allah, ensuite, wa qina azabanna. Et protège-moi contre ce qu'il y a l'enfer. Tout vient en place. Tout vient en place. On vous trouve qu'il y a un akhirat qui a besoin de demander quelque chose. Afin qu'il me comprenne qu'il veut dire pour akhirat là, il est plus important qu'il dunya. Deuxième, c'est, comment nous finir dire, l'impossible de hasana qui me demande Allah dans dunya, l'impossible de même aux enfants avec une malformation. C'est un bon quelque chose pour moi ça. Mais d'akhirat, il y a un akhirat là seulement. Quand on peut dire nous demande dunya, Allah subhanahu wa ta'ala pas nous cherche protection contre non ni. Non, demande ça qui a du bien. Parce qu'il est possible demain de faire du bien là et nous avons perdu place de travail tout là. Et nous avons glissé dans la case qu'on peut nettoyer tout là. Et nous avons du bien là-dedans. Et nous avons du bien. Comme on reste là au lit pendant 6 mois, quand c'est moi qui finis rapproché avec Allah. Quand tu es. Quand moi avec Abouz du tout. Et nous avons du bien là-dedans. C'est pour ça, nous dit, bien, chers frères et sœurs, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin de recommander nous pour préciser quand nous faisons doua. Quand nous finissons déjà dire, il y a des gens, apporte pour maman, papa, quand ils commencent à faire doua, voilà mon grand frère qui vient prendre, voilà. Voilà mon deuxième frère, là. Ensuite, mon troisième frère, madame. Voilà, j'autres enfants. Mais, fini, là. Et ça nous finit, dimanche, ça, c'est nous, pour nana, nani, c'est nous à côté de papa, dada, dadi, tcha, tcha, tcha, tcha, et ça nous guette. Combien de minutes il fait doua? 25 minutes, bien bon, alhamdulillah. Est-ce qu'il demain vous pouvez encourager à faire ça? L'État m'a dit 25 minutes. On va voir ça, l'État va voir ça. Donc pour l'État, on va voir ça parce que quand vous faites doua, je précise non, toute la famille, afin que quand je dis, on fait doua pour moi, oui, mon petit ou non? Pas nécessaire. Vous le faites doua pour moi, oui. Qui fait? C'est un bon serviteur parce que quand vous faites tahiyat, moi dis, ou arriba di kassalihin. L'autre, tu trouves un bon serviteur. Mon fini fait doua pour lui, oui, non? Tous les jours, 5 fois par jour. Si tu fais la main, c'est bon seulement, tu peux gagner ta doua là. Mais si tu ne peux pas faire. Nous vous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas nous recommande pour préciser mon tchatcha, mon grand tchatcha là, mon dernier tchatcha là, avec mon tchatcha qui est bien malade là. Non! Oh Allah, mon la famille, mon maman, papa, mon bon frère, mon bon sœur, bon dimoun qui connaît moi dans ma zid. Fini tout là-dedans. Si vous voulez prendre mouchali, un pour par un ce nom. Qui va arriver, mon cher frère? Demain, comme on fait dehors, mon frère, il vient tracal le moins, oui, non. Il vient tracal le moins. Mais seulement dehors, mais dehors, pour un dimoun, quand on peut faire, sur la Tuljanaza, lit différent. Lit différent. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est un de banra dehors, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lit détaillé. Lit détaillé. Point qui nous fait ressortir là-dedans encore, c'est quoi? C'est le troisième, la ligne de première phase même, quand Allah, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala l'islam. Ou Allah, un celui qui te garde lui vivant, veut dire, il y a quoi vivant l'eau la terre, fa ahyihi, fais-lui vivre l'eau l'islam. Lui fait vivre l'eau l'islam. Wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala l'iman. Quand l'imo, c'est ma fait l'imo l'eau iman. Quand ils vivent l'islam, mais quand ils mourent, qui ils mourent? L'iman. Qui fait ça? Qui fait quand ils mourent, ils ne mourent pas l'islam? Chers frères et sœurs, quand vous avez l'islam, ce sont des piliers, shahada, salat, rosa, zakat, hajj, ne vous trouvez ces bonnes actions qui l'écho fait. On rentre dans ma zid, vous pouvez faire namaz. Mon God Rosa, Ramadan, il est rentré. Mon Adon Mozakad, je dis, mon père, fait Hajj, Salanila. C'est une action qui qui nous les confirme, mais quand on dit qu'Imana, ça le trouve à l'intérieur. Nous croyons, les trouvent à l'intérieur. Elle c'est extérieur, nous bannons l'écho, et imani à l'intérieur. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, oh Allah, ban qui, vivant, fait je traite l'islam, en deux mots, je t'amande, qu'est-ce que je pourrai faire? Mais quand un djimoun fait namaz, qui augmente avec lui? C'est son iman. Quand un djimoun garde rosa, qui peut augmenter avec lui? Quand un djimoun a fait hajj, qui peut augmenter avec lui? C'est son iman. Donc, quand il est vivant, ça doit là montrer nous qu'il s'agit de là, ou Allah fait lui respirer sa action là, respirer sa action là. En dans sa spirituelle, il fait monter, oui non. Ça monte, monte, monte, ou Allah quand il arrive à un bon niveau, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ. Et un celui qui te n'a pas ramassé, veut dire que sa iman là peut monter là, ou Allah ramasse là-dedans l'autre. Ramasse là-dedans. Dites comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam met ça doit là. Donc, qui façon, c'est qui, dans vivant, respire bonne action toi. Reste tu avec ça fait qu'il y a l'islam là. Reste avec ton namaz. Ça pour un de bonnes moyens qui te iman monter, monter, monter, monter. Et ensuite, quand tu n'arrives là pour Allah ramasse-toi, c'est de ce bon moment là même. Que tu iman n'a fait monter. Quand nous sommes dans la phase numéro 3, chers frères et sœurs, c'est nous trouvons l'exemple. Nous trouvons l'exemple qui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam amené. Nous guettons l'idée arabe. Ensuite, la case pour nous dire, nous lier l'île, nous apprenons mot pour mot, inshallah. Le quatrième, la ligne, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour dire, wa naqihi min al-khataya kama yunaqqat thawb al-abyadu min al-danas. Wa naqihi min al-khataya. Veut dire, épargne-lui, lave-lui, purifie-lui depuis ce bon péché, kama. Ça m'a l'air avec nous, là. Kama. Pareil pour moi. Chers frères et sœurs, nous sommes capables de trouver une de bonnes questions qui nous passe souvent sans qu'ils nous finissent réaliser. C'est quoi? C'est qui d'ordine, Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup d'exemples. Il donne beaucoup d'exemples. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Certainement dans sa Qur'an, nous donne sa insana tout qualité d'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause du Coran. Il peut dire qu'il dans sa Coran, il finit donne beaucoup, beaucoup d'exemples, chers frères. Oui. Quand vous guettez par exemple, quand Rasoul sallallahu alayhi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut montrer, ban qui invoque un autre apporte Allah. Quel exemple il a amené? Kama salif, ladhina attaqadu, al-hankabout. Pareil, kuma ban qui finit prend, la case. La protection c'est quoi? En la case arrive. Qu'est-ce que l'exemple Allah donne? Afin qu'il nous comprenne, ça qu'il se capte chez lui, claque mali grave. Un c'est lui qui cherche protection d'un chef, Allah subhanahu wa ta'ala comprend, il prend protection, avec qui l'inbarré? Avec la toile d'araignée. Qui protège? Ça vous protège. Et comme ça même, quand nous guettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala amène beaucoup l'exemple, même envers les animaux. Quand il comprend les juifs comme les bourriques, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بان كي بيسوي التوراة. زود باري كما دي بان كي بيسوي بان بوريك كي بيسوي بان ساك avec زود. بوريك لا كوني كي نالا دانا؟ تي لا كوني. بس نالي بيسوي وي نو. من جيف كوم ها. زود ندي التوراة التوراة بس ما ساك كي نالا دانا. زود بامت en bras en pratique. Et comme ça même chers frères et sœurs, ne vous trouvez qui de ban hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui amène ban l'exemple afin qu'il nous comprenne. Quand il peut dire ce ban sahaba, comment dire ban étoile, il lui amène ban l'exemple. Quand nous guettons ban l'exemple là, qu'il fait, parce qu'insan là, à travers ça l'exemple là, il pourrait s'y comprendre à qui point peut dire cette action là pour prendre place. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous comme ça, ce ban compagnon, comment dire ban étoile. En d'autres mots, chers frères et sœurs, sa distance, qui sa étoile-là, était qui ne trouve les chip-chip. Mais qui grandit, je disais à l'os. Qui grandit, je t'étais. Pareil comme ça même, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait prendre l'exemple de ce ban sahaba même. Il prend l'exemple de ce ban sahaba même quand il fait amener une comparaison de un qui dépense le chemin Allah. Il dit, même te dépense comme en montagne ou hout en l'eau, tu vas pouvoir arriver un poignet de ça qui m'a sahaba en faire. Il prend un exemple. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend un exemple pour nous dire qu'il fait afin qu'il nous, insan, quand nous guette ça qui chose, nous réfléchit. Une montagne ou hout, ça grandit là. Mais il me dépense ça en l'eau. Moi, je vais m'en sahaba. Mais ça va rien faire comme ça, l'eau. Ici, ça, l'exemple qu'il vient prendre, il dit « Kama yunaqattab al-abyadu minad danan » Chers frères et sœurs, quand nous disons blanc, blanc c'est blanc. Nous ne pas dire blanc pâli, nous ne pas dire blanc c'est blanc. Imaginez-nous un linge blanc comme une sale. Un linge blanc comme une sale. Chers frères et sœurs, prends une métier trempée d'or, chlorox dans la ville, dans tout, laisse-le ouvrir le soleil, lave-le. Ensuite, quand vous tirez ou guettez, vous gagnez plus de satisfaction quand vous tirez ou bien quand vous avez une salle ou une lave. Laquelle gagne plus de satisfaction? Prends une petite chose qui est blanc quand vous avez une quand vous une salle, quand vous lave. Quand vous regrettez le deuxième coup de la sacalité, c'est une vigne blanche. Laquelle gagne plus de satisfaction? Juste pour nous comprendre l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, quand il peut dire « Kama yunaqassab al-abiyadu minad danas » veut dire c'est ça qui nous fait du mal pour ça du monde-là. En d'autres mots, oh Allah, vraiment quand il paraît devant toi, satisfait avec lui. Parce que quand il vient là, la terre, il a péché, il ne va pas tenir à péché. Parce qu'il est un enfant. Le temps d'une vivre, d'une faire péché, oui non. Ensuite, le temps nous laver, il ressortit. Laquelle qui a plus satisfaction là? Les enfants là ou bien grands là? Grand qui ne prouve là, chers frères. Ça, comparaison, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Ça, c'était Dora qui est avec nous pour Azodji. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous vous venons avec Dora qui nous vous citer pour Azodji concernant Sadjimoun qui nous appelle Dajjal. Nous allons dire, qui on dit là, Dimoun? Oui, chers frères. Dajjal, les malheureux qui beaucoup du monde, quand je t'aime, ou bien quand je t'explique, ou bien quand je finis apprendre concernant lui, on trouve qu'il est capable de frapper un portable, il dit, où est-ce que ça, au milieu de la caméra, il roule là, Dajjal, parce qu'il dit, Dajjal, il est au milieu. Ça nous est là. Ou bien quand ils trouvent quelque chose qui est arrivé sur Internet, etc., ça date déjà ce travail, ça date déjà ça. Ça Internet, ça. Ou bien comment on cause Bush, ou cause Obama, on dit ça va date déjà ça. Tu dis déjà, comment date déjà les nalos? Comment tu dis monde comme ça? Ou bien encore, pour une quelque chose qui vous attendez, ça système date déjà là. Mais qui n'a rien fait pour là? Les temps nous guetter, c'est nos croyances d'un jour qui aiment. C'est nous croyons, ça nous la foi, ça. Impossible pour nous prendre l'idée depuis un autre, excepté depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons ça avec les autres chers frères et sœurs, faisons aucun doute qu'ils se forment un nouvel égorement. Faisons aucun doute là-dedans. Nous les cet exemple. Comme on dit commandement, comme on trouve à terre la vigne devant la mer, ça sort une instance, pas fêter. Comme on lui tape sur Badine, on trouve la mer ouverte devant lui, il passe. Quand on dit manen du monde, ben, la mer tu ouvres à jour là, il dit oh oui, la mer tu ouvres, qui fait? Il dit imagine reste. Quand il dit demande c'est que des tigettes, comment ça est ouvert? Ouvert de venir. Imaginez. Il dit oui, la mer tu ouvres, combien de manen? Bien seul, non? Mais c'est quoi qui apprend ça là? Le grand écran qui m'en apprend ça, m'en prouver, de du commandement, il ouvre un seul coup. Il est vrai, mais seulement quand on fait un plus grand commandement là, Coran. Quand on fait dans surah 26, surah Shuara, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kana kullu firqin kattawdil azim » et certainement chaque chemin vient comme une montagne, parce que la mer tu viens 12 bouts de sa jour. C'est la 12 chemins. Avec une avis de studio là, Hollywood, pas de quoi arrive ça à l'époque, pour qu'on appelle la mer là où viens 12. À fait, qu'on appelle le 3D. En combien bout de nouvelle la mer là? Un seul. Mais dans le Coran, ça qui Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous connaître, qui prend place dans l'époque Moussa alayhi salam, la mer là qui ouvre en combien, chers frères et sœurs? En 12. Ça nous croyons. Mais combien du monde encore le haine? Encore le haine? Pareil comme nous finissons encore comme l'exemple, C'est l'exemple, avec le Coran, il y a beaucoup d'exemples. La cause, il dit lui, comme ça, ange fin créé avec la lumière. Quand il dit ange, les visionnaires du sol, se tireront sur la tête, il y a la lumière, tu vas ton ange. Mais quand tu me dis ça, dans la cité des anges. Là, là-bas, qu'est-ce que tu as une référence? Et il dit qu'on a une référence pour cœur, s'il vous plaît. Oui. Il dit qu'on a une référence pour cœur. Il connaît que ça, il y a ça, donc il filme, il y a ça. Mais là-bas, qui m'a l'apprendre, nous dit, chers frères, c'est comme au guet ayat 6 dans la 66 surat Tahrim, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nara, au ban kina iman, sauf je peine avec ta famille contre du fait l'enfer, wa qudu hannas wal hijara, quelque chose qui peut enflammer, c'est ban dimon et ban roche, alayha malaika, et na ban ange là-dedans. Riladun shidadun, je faux, je bien dur. Vous connaissez qu'il y a l'appel de nous là-dedans? Ça diffait l'enfer, ça diffait là. Ça diffait qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui met un soulier, il faune sur la cervelle. Ça diffait là, et il y a 11 djiboutes là-dedans, carré. Mais quand cela, il y a été jeune pas là. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Jibril alayhi wa sallam, ça qui tu peux assiser, tu peux vendre un différent, puis il y a bien Dieu là. Qui s'en a ça? Il dit, c'est lui-même Malik, gardien de l'enfer. Ce qui est Dieu. Oh, donc, pas la cause, il dit à moi, il crédit en la lumière, en d'autres mots, il vient éclairer. C'est ça qu'il dit ça. C'est trop simple pour nous comprendre, quand nous prenons l'exemple de nous-mêmes. Oh, qui crée une sainte? La terre. Mais qui fait comme au baigner du lot, la boue va descendre. C'est tout bout d'accord, l'eau là. Mais on se lance pareil. Il crédit en la lumière, par les dieux, il vient éclairer. Mais gravité là-dedans, qu'est-ce qu'on apprend ça? Dans le film. Même pour les enfants de tu comique, quand on arrive pour prendre décision, on sort d'ici, un démon sort d'ici. Elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. Pauvres enfants, là, des petits filles, ils viennent trouver ça, on s'allose. Fini. Mais au fait, que ça nous vient prendre, Paris, comme Dajjal. Nous donnons tout cela et quand nous guettons que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous met si clair à Dajjal min bani Adam. Dajjal depuis les enfants Adam, ça. Depuis les enfants Adam. Est-ce qu'il y a une parole plus claire que ça? Dajjal depuis les enfants Adam, c'est un djimoun, chers frères. Dajjal, c'est un djimoun. Une femme. C'est pas un système. C'est pas un pays. C'est pas une question électroménagère, c'est pas laptop, c'est pas computer, c'est pas portable. C'est pas. Non. Dajjal, c'est un djimoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala fini envoyer. L'eau, la terre, qui à la fin du jour, qui vous sortir pour faire fitna. Donc ça, c'est la première petite chose qui nous vient connaître. Dans sa description physique, chef professeur, c'est un insan. Le fait qu'il m'en apprend, c'est un insan. C'est un djimoun. Deuxième étape qui vient, c'est quoi? C'est soligé. Nous avons déjà deuxième étape en l'eau là. Hein? Juste pour mon récit, canalise-moi bien concernant sa créature-là. Parce que tous les temps, mon fin gagne l'impression, ou bien ça qui m'a fait entendre, ça qui m'a fait gagne une perception qui vient, Dajjal, c'est une créature qui vient dans l'Igé juste au milieu. Combien de djimoun dans sa perception là? Mais si y a un djimoun, est-ce qu'il y a djimoun dans l'Igé au milieu? Djimoun qui est là. Déligé, chef. Effectivement, Dajjal est allé. Effectivement, Dajjal est allé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand PPN nous connaît, le hadith qui trouve dans le Sahih Muslim, qui s'est en se déligé, en se déligé, qui peut écrire kafara. En se déligé, qui écrit ça? Kaf. Et kaf là, il n'y a pas de kaf qu'on nous écrit, on dirait nous attache les noms, kaf individuel. Veut dire une lame, dire retourner, mettre un petit hamza là-dedans, fait là. Une longue fait pareil, pas un petit bout avec son ré. L'autre fois, il écrit ça, comme ça, on se délige. Mais là, l'éclair, il y en a délige. Depuis ce hadith là, chers frères et sœurs, être sûr d'adjal en a comme délige. Dit. Et non pas un humilié. Comment nous connaissons ça? C'est ce hadith-là. On se délige qui écrit ça. Et déjà, c'est qui s'il y a un enfant Adam, il n'y a aucun enfant Adam qui est délige au milieu. Donc, chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous le bon événement qui aujourd'hui nous peut vivre, ou imaginez-nous, peut vivre dans l'époque quand un Michel et Nakouras coupe son madame avec grinder. Quelle époque nous était là? Ou Nakouras là? Qui a été le cas ou l'ennemi? On finit tout le deuxième deux. Et là, je suis coupé là-dedans. Et que ça n'a pas, mon madame. L'état autant de ça. L'état autant de ça, là, dans une repérée à 30 coups de couture. L'état autant de ça. L'état autant de ça, là, dans une seconde. Il faut que c'est seulement ça. C'est vrai. Mais seulement, chers frères et sœurs, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma sunirat fitnati mundu kanat dunya » Sariratan, wala kabiratan. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait aucun fitna vile au salatier là. Qu'il soit petit ou bien grand. Pena aucun fitna qui Allah fin envoie au salatier là, il a les fitnas d'Ajjal. Excepté pour faire nous rappel qu'il faut un plus grand que ça pour vivre. Ça va être quelque chose qui nous peut trouver, veut dire là. Allah subhanahu wa ta'ala fait y arriver, il faut arriver chez vous. Mais seulement, réfléchis à l'os. Si dans nous l'époque là, que l'intelligence, l'éducation soit peut monter, nous pouvons trouver sa bonne action là, et nous pouvons dire nous-mêmes, à une époque fitna, qui fait faire ça? Juste pour moi, je comprends, mais quand on arrive l'époque d'Ajjal, fitna là pour faire ce qui s'est à l'os. Quand ça qui a fait d'Ajjal là pour venir, excepté qu'il soit fitna pour plus encore. Chers frères et sœurs, nous disons bien, capable nous tenir ou bien nous pas tenir. Mais seulement c'est une de bonnes paroles qui, en arabe, nous dit « Tarom moubihil baloua » Tout le monde connaît ça. Pas cause d'Ajjal, quand on cite sur nous un lacène cassé. Il y a du monde connaît. Pas cause d'Ajjal, quand on cite sur nous un lacène cassé. Mais si nous pas citer à l'Iris Samayim là-bas, là-bas, les contraires qui brillent. Les contraires qui brillent. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit pour arriver à l'époque où il y a un imam pour arrêter cause d'Ajjal au Mibar. Pour arriver à l'époque, quand on trouve imam qui vient, il n'y a pas de cause d'Ajjal au Mibar, il cause tout. Bon, ça prend de la c'est une cause quelque chose pour les bon croyants. Mais seulement il restait qu'il d'Ajjal pas fait causer aucun plat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dire, attendez l'un qui est à l'époque l'un qui est quand l'imam dit ça, l'omimbal, veut dire de vendredi, arrête de faire appel d'un croyant concernant ce fitna, dès là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à chers frères et sœurs, c'est là que je vous trouve d'Ajjal. Nous entendons d'Ajjal, pareil, afin qu'il me comprenne vraiment. C'est l'exemple qui nous citait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire à moi, même te dépense une montagne ou dans l'eau, tu vas recevoir une mauvaise sahaba. Quand il peut dire ça, chers frères et sœurs, ça ne fait pas peut dénigrer nous, loin de là. Mais seulement, si ce peut montrer nous, accepter la supérieure qui nous. Si je dis à Oumou Salama, radiallahu anha, Oumou Salama, radiallahu anha, elle, c'est pas vivant. Mais des bonnes croyantes pour mon c'est madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oum Salama radiallahu anha, un grand matin, il levait, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, même pour Miché, même pour moi, celui qui fait causer, réfléchis bien ça, madame là, qui a dit le prophète là. Ensuite, moi, qui situation moi ici. Nous avons compris, nous avec un sahaba Miché, hein, avec une madame, nous pouvons pour nous. Il dit, « Ya Rasulallah, falam yatini al-nom, somme pan vin dit tout l'or voyer. » Avant ça qu'il dit, il dit, « Ya Rasulallah, kouma mon honte dans mon place de homé, mon mazin d'adjal. Mon gain pire, qui somme pan vin dit à moi dit tout, ce qu'elle arrive grand matin. » Et quand il fait dire d'adjal, ce n'est pas la personne qui l'a fait causer lui. C'est quoi? C'est fitna qui faut une attention, les hommes madame. Qu'est-ce qui traque à lui gagner? Qu'est-ce qui traque à lui gagner? Et madame, moi, je peux écouter, même le d'Ajjal, ça l'air que moi, je rends dans ailleurs. C'est l'homme qui dit que la journée, Dieu, je vous dis. Non, mais moi, comment on fait, maman? Oui? Je vais comprendre qu'elle madame, là, madame. Mon pouvoir prendre, Inch'Allah, tout ban fitna, ou bien pour le moins, mon fini par le là là. Mais c'est moi, t'as l'air dormi bien. Même mon connu. Mais ça, madame, là, il est dans ma zone d'Adja, chef reste, il n'est pas dormi du tout. Il n'arrive qu'à matin, Fadja. Dès là, pour réconforter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à lui, oh, Moussalama, si Dadja vient à terre là, et mon corps vivant, Allah vous protège. Allah vous protège. Vous connaissez ce Miché Ksana, madame là? Vous connaissez ce Miché Ksana? Ce Miché, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les sens, ce Miché là, ce Miché, c'est celui premier qui vous rend Dadja. Non. Ça, ce madame ça. Ce madame passe la nuit au prier et en chute d'Adja ville sur les pauvres. Et qu'est-ce que Miché Ksana? Ça, c'est madame, ça. Il va connaître Miché le prophète, Allah pour vous faire une petite chose pour lui. Ou, sans compter par les autres hadiths qui montrent nous, qu'il a déjà pour obliger Vincan. Après la mort du prophète, je vais faire les ça. Parce qu'il réussit à les salam, va descendre de même époque. Qui Mohammed. C'est clair. Risha alayhi salam va être capable de descendre de même époque. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam encore vivant. Veut dire Dajjal pour obliger venir après, oui non. Tout ça, cette attitude-là, il va bien, il va bien, il va bien, il quoi. Attention, il va bien. Probabilité là-là. D'une probabilité pareille, il va s'ennuyer. Dès là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, s'il est venu, moi encore vivant, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger. Pour protéger, par mot présence. Chers frères et sœurs, c'est ça de voir qu'il voit avec nous la semaine prochaine. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit recommande nous, chacun parmi nous, et Inch'Allah l'autre semaine qu'on nous apprenne, nous faire vivre une haine de bonne action qui, quelle que soit la situation, nous amène dans nos namaz, qui lui fait nous rappel avant qu'il nous fasse salam. Veillez nous de tashahhud. التحيات لله اللهم صل على محمد اللهم إني ظلمت نفسي كما مفتني رسول صلى الله عليه وسلم أنسين شيخ فرسير لجي تعوذوا من أربع قبل أن تسلم شيخ protection avec 4 petites choses avant que je fasse salam شيخ protection avec 4 petites choses avant qu'il nous fasse salam et lui-même dit je vais faire j'ai commencé par lui dire اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. Oh Allah, je cherche protection avec toi contre min adab jahannam, contre adab, adab punition. Jahannam, l'enfer. Veut dire, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, amène-nous pour chercher protection avec plus haute la même. Quand ça nous était là, dans la main. Dans la main. Il contient, il dit, wa min adab il qadr, et contre punition, qadr. Décadez là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin cherche protection, puis enseigne pour cherche protection contre Sadela. Sadela, c'est quoi là? C'est définition, adab. Il y a 4 seulement. Il y a même des définitions. Quand nous guettons sa définition qu'il dit là, ok, finition l'enfer, finition kabbal. Mais quand c'est la finition encore? Quand c'est la finition encore? Ou j'en finition la terre? Finition la terre, il n'est pas venu comme ça. Mais il vient, c'est là. Inch'Allah, il va venir dire ça. Il vient pour une fitna qui vient avant. C'est pour ça que ce prophète-là enseigne nous pour nous dire « Wa min fitnatil mahya wal mamad » Cherche protection avec Allah contre une fitna qui est là, mahya, dans la vie, wal mamad, dans la mort, wa fitnatil, wa sharril fitnatil masih dajjal. Et contre le mal de fitna dajjal. C'est ça de voir qu'Inch'Allah, l'autre semaine, pour avec nous, chers frères et sœurs, le point qui est avec nous, c'est quoi? C'est qu'il a dans, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans de cela, il enseigne nous pour chercher protection contre ce fitna, Fadjimouna. Il enseigne nous pour chercher protection contre ce fitna. Chers frères et sœurs, pour nous terminer pour aujourd'hui, et Inch'Allah veut dire l'autre semaine quand nous commençons avec sa doua là, veut dire cette explication, surtout le point, fitna til mamad, fitna la vie, ok, nous pouvons comprendre, mais fitna la moula c'est quoi? Ensuite, fitna dajjal, ça définitivement, il vient de nous laisser, mais concernant sa protection même, Quand nous quittons sur Raki, Allah subhanahu qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommande nous pour lier de vendredi. C'est sur Kahf. Quand nous guettons ta surah là, chers frères et sœurs, nous vous trouvons il y a une tentation là-dedans, un test. Il y a un test là-dedans. Qui test? Un, il y a un test, c'est un cas. Allah qui a regé ta surah là, pas lié-li, regé-li. Il y a quelque chose qui appelle c'est un cas là-dedans. Quand sa personne là vient, avec l'autre compagnon là, lui dire « Ana aktaru minka malan wa walada » Et puis, là, il est en place. Il dit « Je vais m'en appeler beaucoup car ce qui t'aime, m'en appeler beaucoup d'enfants qui toi. » Ça, c'est un fitna. Ça, c'est déjà un fitna qui vient de sa sourate. Des fitna en place. Sa sourate, là, chers frères et sœurs, le sourate, sallallahu alayhi wa sallam, recommande-nous pour y aller tous les vendredis, pas prendre des fruits. Alhamdulillah, est-ce qu'à Ahada, sans dire, je me finis à Kahab Zouji. Dis-moi, Alhamdulillah, Inch'Allah, nous gagnons son récompense. Mais seulement qui profite, mon gagné? Zéro. Zéro. Et pourtant, mon gagné, si mon pélier à la gazette de Zouji, attends, mon gagné, t'as un coup de l'indien là? C'est moi, j'ai mon mal comprend. Mon regretté. Et mon gagné, pas trouvé rien là, qui dit, ah, mais ça photo là, pas pour lui, ça, mais il a mis sa photo là ici. Qui fait? Parce qu'il donne à tiens une sainte quand il fait trop comprendre quelque chose, il dirait retourner oui non. Parce qu'il est content quand il vient quelque chose, il gagne profit. Mais comment se fait-il tous les vendredis, mon pédier carap moi? Ça fait qu'on y fait. Qui fait parce qu'il t'a l'air ou bien demain ramasser après Fadjal reprend-lui, guette quand t'as dit mon nap et dit avec son compagnon. Que Allah subhanahu wa ta'ala amène l'exemple. Rajoulain, ta def dit mon nap, en la djalikumha, ana aksaru minka. Malam wa walada. Mon appli beaucoup casse que toi et mon appli beaucoup enfants que toi. Aguette résultat qui arrive les filles devant. Et le talak qui dit aller. Walaoula iz dakhalta jannataka qulta masha. Masha Allah. Si c'est seulement que tu dis que tu te casses, tu dis Masha Allah. Guette Allah qui me demande. Masha Allah, guette mon bon enfant. Si c'est seulement que tu récites ça. Mais les filles tombent dans la fitna là, oui non. Prends-les à ce que mon enfant gagne résultat. Ta. Et donc, moi, mon téléphone va là. Mon garçon, je résultat aujourd'hui. Mes premières questions, ce qui me souvient de la réaction, c'est quoi? Machallah, qu'est-ce que mon garçon, mon ami? Parce que ça n'a fini. Où les gars, ça? Faut dire Allah ou les chefs. Wa ma tasha una illa en yasha Allah. Comprends ça. Fais-moi aimer si comprends ça. Wa ma tasha una de pas ou les non-yens, excepté faudrait Allah. Faudrait Allah ou les. Si vous récits, comprends ça. Faudrait Allah ou les pour ça la bouche là ouverte posée là. Faudrait Allah ou les pour nous tendre, pour nous comprendre. Tout pénanon qui arrive accepté, faudrait Allah ou les. Ça c'est des premiers fitna qui nous trouvent dans sa sourate là. Troisième c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est Moussa les salam, fitna connaissance. Connaissance? Imaginez-nous, il y a un prophète. Imaginez-nous, il y a un prophète. Oh Allah, mais moi je me connais. Plus, parce que moi un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala. Pas toi ça, il y a un autre type de conduite. C'est la connaissance. Pour moi, je comprends si Azodi, je me trouve Ena pour un homme qui apprend même petit à l'autre, etc. Si tu as là, depuis que ça finit par moi connaître, pour Ena ça. Dans le Coran, il finit par moi connaître. Parce qu'il croyant qu'il y a un prophète, il est obligé qu'on. Comme tout. Un fitna. Comme il est parmi nous comme ça là. La cause du Khalien, il va rap, il causait tous les lundis, machallah. Il veut mon petit numéro 1. Numéro 1 est la quête, non. Quand Moussa, les salam, Allah subhanahu wa ta'ala finit faire comme ça, jusqu'à qui point? Oh Allah, mais fais-moi jouer un nid à l'os. Allah, j'ai dit, allez à l'os. Allez. Le premier test qui arrive, lui. Ce poisson, allez, il va même connaître. Avec qui connaissance c'est là? Ce qui est la connaissance, toi, tu veux déjà connaître l'île? Il est allé. Qu'est-ce comment Allah finit comment? Jimmy Moussa. C'est-à-dire qu'on vraiment ta capacité limitée au Moussa. Fais-lui connaître vraiment ta capacité limitée. Donc, chers frères et sœurs, dans sa sourate la même, nous trouvons un troisième fitna vini. Qui fitna? Fitna connaissance. Et parmi les fitna qui est là, concernant sa sourate là, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man hafiza ashar ayat min awwali sourate Kahf » Celui qui mémorise 10 premiers ayats de sourate Kahf. Chers frères et sœurs, je ne vais pas les personnes demain attraper sa sourate là pour commencer à prendre sa liste. Non. Non, mais vous-même, je vais l'apprendre, là, vous ne commencez pas à apprendre, vous n'arrivez pas. Oui. Non. Parce que demain, je vais l'apprendre pas par l'enthousiasme, l'émotion. Et j'apprends. Non. Essaye de convaincre moi-même par lire sa sourire là. Essaye de convaincre moi-même c'est quoi fitna d'adjal. Ensuite, guide de faire l'époque qui m'a vivre là, comment je suis capable de protéger moi? Autre protection là. Comme on ne trouve pas n'a aucune protection. De là, comment on connaît mon prophète India moi. C'est lui qui mémorise sa 10 premiers ayats. Dans la Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Rosuma minat dajjal, Allah pour protéger contre le dajjal. » Avant, fais-moi réussir comprendre qu'il n'y a aucune protection. Fais-moi réussir comprendre cette protection contre qui ça n'a. Parce qu'il m'a pris 10 premiers ayats de Surah Kahf, si je me prends après Fajr demain, ben vendredi, c'est fini ça. Mais seulement le semaine, on finit manger. Pas la panique, la cause, ça, j'ai fait. Apprenez qu'on a déjà ce qui s'en a. Qu'on se fitna, qu'il y faut faire. Ensuite, dis-moi moi-même, mais comment vous protéger ça, ce fitna-là? Haine, ça devra qu'il nous voit pas là. Ensuite, déjà, Inch'Allah, c'est sa 10 premiers ayats qui vient dans, dans Surah Kahf là. Et ça aussi, Inch'Allah, chers frères et sœurs, le semaine, nous faut prendre sa 10 premiers ayats là. Mais déjà, ça qu'il est nous, c'est quoi? Haine, c'est sa devra là. Déjà, avant nous venir, fini prendre pour en traduction, assisez, lire posément sa 10 premiers ayats là. Ensuite, essayez cause avec moi-même. Oh Allah, essayez rôder. Mais écoute, ça, il vient un devant moyen pour protéger moi. Il y a une relation contre Dajjal. Les visins ont une relation contre Dajjal. Elle fait ça des fois là. Elle rôder. Quand elle rôder, pas fils de la femme rôder, hein? Rôder, elle demander. Elle demander. Vous connaissez, mon tanenso de lundi là, ou gardien moi, pas finalement comme vous venez ou déjà connu. Pas croire qu'il faudrait ou bien qu'un responsable ici, non. Mais ça qui vient, c'est quoi? C'est faudrait, pendant la semaine, nous rester un devant du monde qui veut faire des efforts pour chercher protection contre ça fitna qui veut venir vers nous là. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.